est pleine de chants joyeux. Le bois croque dans le feu. La table est déjà garnie. Tout est prêt pour mes amis.